You can't. things. Give me a smile. Let's show your things. Thanks. Give us a smile and show us you're the bat. Thank you.

Nicole. Hola, Massimo. Working on guitar too. Wow. Yoda, you're kind of the best. Cool, merci les copains. C'est bien, mais ils font partie des autres ou pas? Moi, je regarde vite fait. Ou alors on fait des trucs un peu énervés, un peu, on s'énerve un peu, mais tout calme, mais un peu énervé, tu vois. Thank you. up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, Open up the wild door. Leave a brother on your labor. Love and help on the fire, say. What am I living on? I'm a day. Brother, your brother and my brother never tired. I'm the fire down. I'm a lap on Bravo. I'm the poor. I'm not the best. I'm the poor. I get no death. I'm the nice. Just that. But I don't talk bad. I'm the Bravo. I'm the poor. So then talk bad. It's your breath. All the in my death. And if you say for dog. Am I ever dead? Number one, you gotta be number. You got to, you know how you gotta be. I hate and easy. You know how you got. You know how you gotta be to please me on the night train. You know you can't see the landscape, oh, and it's raining on the night train. You're fading to the night, you're fading to in the night. Boss, maestro, oh god, get your phone. The dope a day, oh man, oh man, oh, don't play for that, don't play love. Hola, qui voilà. On a qui voilà, on a qui voilà l'inspecteur Gadget. On a qui voilà l'inspecteur. Magneto Serge, on a qui voilà l'inspecteur Gadget. Go, go, go, go, go, Johnny, go, go, Johnny be good. Bah, Johnny be good, Johnny be, oh, Johnny be good, Johnny be good. Something totally new. Are you up to something totally new? La mineur AM. C'est la fin du tour de manège. On redescend tout doucement d'une strate. De celle qui se laisse faire, d'une strate, de celle qu'on. Regarde et qu'on montre. De celle dont on parle, de celle dont le trou est une préoccupation mondiale, l'ozone. La stratosphère de celle qui se. De cette qui se frotte pas au télécaster ni au strato. Mais enfin c'est pas trop tôt, avant on pourrait dire tellement plus de choses. Avant. tellement mieux. Avant c'était tellement mieux avant. Tellement mieux. C'était tellement mieux avant. C'était tellement. Avant c'était tellement. C'était tellement mieux. On n'était pas si vieux avant. Je crois que c'est tout le changement. Parce qu'avant c'était pas tellement. Avant. Quelle prise a-t-on sur l'après, passé, l'avant-bras, réparer après, repenser, refaçonner pour se guérir d'entendre de tout ce qu'on a fait avant, de tout ce qu'on a subi peut-être enfant. Et l'après, ravage, la préfecture. La préfecture et le rectorat. Et le rect. Et le rectus. Il est pastoral. Passé dans l'année. Il est pas tout. Il est pas tout cassé. Allez, passe cet oral. Allez, passe cet oral. On verra qui sera mieux balancé. Ah, je peux lancer un de mes trucs alors du coup ? Continue, keep on bass. evil wanted to know what's my difficulty. I'm on my divine line. I'm going to stop right for life. Over my life, I'm your face. I'm sorry. Amazing. What about something else? Ok, mais tu veux qu'on accélère aussi. Thank you. F like friend. Thank you.